Cette haine du misanthrope pour les hommes est donc accrue par ce procès qu'Alceste est menacé de perdre, car il se refuse à solliciter ses juges. Dans cette société qu'il méprise, Alceste, cependant, aime Célimène, une jeune veuve, très coquette, qui lui manifeste tantôt de la moquerie, tantôt de la tendresse. Après une violente altercation avec Oronte, grand seigneur qui vient de le forcer à écouter un de ses sonnets, Alceste se retrouve chez Célimène, à qui il se plaint d'abord de l'excès de complaisance qu'elle témoigne à tous ses soupirants. Ses plaintes sont interrompues par l'arrivée des marquis Acaste et Clitandre, deux des soupirants de Célimène, à qui il reproche ensuite, en présence d'Éliante, cousine de Célimène, une tendance à la raillerie et à la médisance. « Non, madame, non, quand j'en devrais mourir, vous avez des plaisirs que je ne puis souffrir, et l'on a tort ici de nourrir dans votre âme ce grand attachement au défaut qu'on y blâme. » Clitandre, « Pour moi, je ne sais pas, mais j'avouerai tout haut que j'ai cru jusqu'ici, madame sans défaut. » Acaste, « De grâces et d'attraits, je vois qu'elle est pourvue, mais les défauts qu'elle a ne frappent point ma vue. » Alceste, « Ils frappent tous la mienne, et loin de m'en cacher, elle sait que j'ai soin de le lui reprocher. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le pur amour éclate, et je bannirai, moi, tous ces lâches amants que je verrai soumis à tous mes sentiments, et dont, à tout propos, les molles complaisances donneraient de l'encens à mes extravagances. » Célimène. Enfin, s'il faut qu'à vous s'en rapportent les cœurs, on doit, pour bien aimer, renoncer aux douceurs, et du parfait amour mettre l'honneur suprême à bien injurier les personnes qu'on aime. Éliante. L'amour, pour l'ordinaire, est peu fait à ses lois, et l'on voit les amants vanter toujours leur choix. Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable, et dans l'objet aimé, tout leur devient aimable. Ils comptent les défauts pour des perfections, et savent y donner de favorables noms. La pâle est au jasmin, en blancheur comparable. La noire à faire peur, une brune adorable. La maigre a de la taille et de la liberté. La grâce est dans son port, pleine de majesté. La malpropre sur soi, de peu d'attrait chargée, est mise sous le nom de beauté négligée. La géante paraît une déesse aux yeux. La naine, un abrégé des merveilles des cieux. L'orgueilleuse a le cœur digne d'une couronne. La fourbe de l'esprit, la sotte est toute bonne. La trop grande parleuse est d'agréable humeur. Et la muette garde une honnête pudeur. C'est ainsi qu'un amant, dont l'ardeur est extrême, aime jusqu'au défaut des personnes qu'il aime.